Ding dong dong, sa baile. E parlo in Thailand, sa baile. Tu t'es mis dans la merde, sa baile. Ah, elle t'a mis les mêmes notes. Ouais, ouais, ouais. Tu réponds plus aux potes. Ouais, ouais, ouais. Elle fait la folle, elle fait la mac. Ouais, ouais, ouais. En boit toute la night. T'attends son appel. Ah, elle t'a mis les mêmes notes. Ouais, ouais, ouais. Tu réponds plus aux potes. Ouais, ouais, ouais. Elle fait la folle, elle fait la mac. Ouais, ouais, ouais. En boit toute la night. T'attends son appel. En boîte, tu vides le garage, tu comptes l'amener à l'hôtel. Mais elle s'arrache avec un autre. Ouais, ouais, ouais. Elle s'est mise à ta table pour gratter 2-3 brevets. Elle fait mal, mal, mal quand elle whine, whine, whine. Elle va tuer ton sang et te dire bye, bye, bye. Ah, elle t'a mis les mêmes notes. Ouais, ouais, ouais. Tu réponds plus aux potes. Ouais, ouais, ouais. Elle fait la folle, elle fait la mac. Ouais, ouais, ouais. On boit toute la night. T'attends son appel. Ah, elle t'a mis les mêmes notes. Ouais, ouais, ouais. Tu réponds plus aux potes. Céline, elle t'est née dans la maline. Rien qu'elle fait des lignes, c'est Narine, c'est Medellin. Tu t'es pris pour mes shrines, tu t'es pris pour Pablo. Elle veut pas de tabac, elle veut l'Audi Catrano. Ah, elle t'a mis les mains.